le pensais. Alors il a fallu que tu gâches tout en me trompant. Tu n'as pas su tenir à ta promesse, mais tu as eu le culot pour venir te faire pardonner. Fais ce qui te plaît maintenant, je te le dis. C'est pour toi que je pleure, c'est pour toi que je pleure aujourd'hui. Tu es libre, tu n'auras plus à mentir. Tu m'as fait croire que tu m'aimais, aimais. Et tu as été voir une autre, j'étais si peu pour toi. Tu es libre, tu n'auras plus à mentir. Tu m'as fait croire que tu m'aimais, aimais. Et tu as été voir une autre, j'étais si peu pour toi. Je souffre, je souffre, je souffre moi aussi, mais je tiendrai le coup. Je t'ai trop fait confiance et malgré tout, tu n'as pas su renoncer à tes instincts de charmeur. Tu as pensé me le cacher, tu m'as fait passer pour une conne, moi qui t'aimais. Mais tu m'as fait passer pour une conne, moi qui t'aimais. Je n'oublierai jamais tout le mal que tu m'as fait. Tu es libre, tu n'auras plus à mentir. Tu m'as fait croire que tu m'aimais, aimais. Et tu as été voir une autre. Tu es libre, tu n'auras plus à mentir. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Tu veux une deuxième chance.